bien sûr que je reste encore optimiste tout en signant et je persiste. Le mur est devant, continuons sur cette piste. Maintenant je suis pas qu'angoissé, mais regarde ce qui arrive, tu vas kiffer. On nous annonce des catastrophes et tant d'autres joyeusetés. Donc donne-moi son bon, tant pis, dans les clips des balles de raclis. Et je vais me déguiser en poulet juste pour que l'assassin me donne du blé. Je vais te raconter n'importe quoi alors que la misère est juste là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise que je kiffe alors que des gens très chou le périph. Donne-moi un son dance, un truc qui les met tout de suite en trance. Toujours tes mains, faut pas oublier, vu que j'ai plus rien à raconter. Vas-y Pascal, desserre les dents, tu fais une merde, tu prends l'argent. Faudra juste te déguiser en poulet, chanter sur une dope et puis ça fait. Tu prends les thunes et tu t'en vas, qu'est-ce que tu te fais chier dans l'opéra. Vas-y scale pas, tu y arriveras et on dira pas que c'est toi. Bien sûr que je me fends la gueule alors que tout le monde souffre sans mes sols. Que la terre courant sa perte en ayant presque tout. C'est bête, je sais pas comment, malgré tout ça. Faudrait que je sois joyeux et fasse des textes sympas. D'accord pour des petites concessions, mais faire le poulet, hors de question. Bien sûr que je me marre, mais y'a un hic. Y'a trop d'histoires de fric, du pis, des boucaves et les flics. J'ai jamais trop aimé leur clic. Bien sûr que je rigole à non plus pouvoir, quand des continents sont des mouroirs. Des peuples entiers sont décimés, pas assez riches, abandonnons-les. Et puis y'a les gosses qui bossent dans des conditions bien féroces. Mais pas grave sur des sons, ouais à la con. En jouant les blaires, certains font des chansons. J'suis d'accord avec toi, c'est con de penser pouvoir changer tout ça. Mais vas-y laisse-moi rêver et continuer d'espérer. Vas-y Pascal, desserre les dents, tu fais une merde, tu prends l'argent. Faudra juste te déguiser en poulet, chanter sur une dope et puis ça le fait. Tu prends les thunes et tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais chier dans l'opéra. Vas-y scale pas, tu y arriveras, on dira pas que c'est toi. Ça commence à sentir grave, ça pue le gaz et ça s'aggrave. Mais je reste optimiste, penser qu'on veut changer de piste et croire qu'un jour on va se bouger. Donc continue, vas-y fais le poulet, à nous sortir des sons à la con et des textes toujours aussi bidons. Bien sûr que je reste optimiste, bien sûr que je suis pas que pessimiste. Tant signons et je persiste, le mur est devant, continuons sur cette piste. Mais non je suis pas qu'angoissé, mais regarde ce qui arrive, tu vas kiffer. On nous annonce des catastrophes et tant d'autres joyeusetés. Donc donne un son bon, tant pis, dans les clips des balles de raclis. Et je vais me déguiser en poulet juste pour que la SACEM me donne du blé. Ah non, fais chier, je me déguise pas en poulet, non, non, non. C'est bon, vas-y, lâchez-moi avec ça. Non, vas-y, c'est bon. Non, non, non. Tu demandes à ta mère qu'elle fasse le poulet. Quand pas, je sais pas, une dinde aussi, un dindon. Putain, mais n'importe quoi. Non, je te dis, je le ferai pas, il est hors de question. De toute façon, on est indépendant, non. Bah, on reste indépendant. Signe pour combien, tu dis. Vas-y, Pascal, oh, c'est cher. Tu prends les thunes et tu t'en vas, qu'est-ce que tu te fais chier dans.